Ok, donc on est réunis là pour débriefer la deuxième partie du scénario La Terreur là, de la campagne L'Ordre et le Sauvage. On est début septembre 2023. Je suis avec Sylvain et Turiane. Eh bien, comme d'habitude, première question, c'est comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ça va bien. Ça va aussi. Ça va aussi. Non, j'ai besoin de rien. Enfin, pas besoin qu'on fasse quelque chose pour moi. Ça va. Ok, bah moi ça va aussi. Du coup, ma deuxième question, c'est eh bien, qu'est-ce qu'il y a une scène en quelle scène en particulier vous a marqué là qu'on pourrait remettre en mémoire, puis on la recontextualisera bien sûr pour l'auditoire. Bah, je dirais que là, quand même, la scène de fin, qui est quand même un sacrifice pour sceller un nouveau pacte entre un village et les animaux qui l'entourent. La nature était quand même fort. Certes, c'était un pacte qui, quelque part, ne concernait pas directement, mais du fait d'assister à la cérémonie, c'était quand même très, très marquant, quoi. Alors là-dessus, j'aurais deux choses à dire. Une, remettre le contexte pour l'auditoire, puis une deuxième, je vais vous révéler un point de scénario qui vous avez dévié du scénario. En fait, donc au niveau du contexte, en grosso modo, vous êtes arrivé dans un village donc lors de la séance précédente, et en fait, vous êtes rendu compte que donc les humains se faisaient attaquer par des animaux et tout, et vous avez compris qu'il y avait un schéma et qu'en fait les animaux faisaient littéralement la guerre aux humains. Et d'ailleurs, il y a eu des représailles qui ont été menées du côté des humains, donc au début de ce scénario-là, vous êtes rentré en contact avec une druidesse Abnoba. Alors, j'ai jamais révélé, mais en fait, si vous aviez un petit peu eu plus de curiosité, vous auriez découvert que c'était une Orla, en fait. Elle n'était pas humaine et elle n'avait pas, en fait, elle n'avait pas apparence humaine, quoi. Voilà, Abnoba vous a expliqué que il y avait eu un pacte de non-agression à une époque reculée entre humains et animaux, mais en fait ce pacte a été oublié, notamment par les humains, et donc ils ont repris différentes violences contre les animaux, quoi. Et du coup, c'est pour ça que les animaux avaient lancé des représailles, ce qui a fait que ça a fait cette guerre, quoi. Donc vous avez quand même fait, on va dire, des pieds et des mains pour favoriser, en coopération avec Abnoba, pour favoriser un traité de paix, en fait. Et c'est là qu'il y a une tierce personne qui est rentrée en jeu, qui s'appelle Mercurius, qui est un ermite Korax, un sorcier aussi, et qui a dit, bah oui, mais vu l'escalade qu'il y a eu, ce traité de paix ne suffira pas, de belles promesses. Vous vouliez déjà renforcer ça par magie, hein, par sorcellerie, vous deux, mais il a carrément dit qu'il fallait faire un sacrifice humain. Il fallait qu'un humain, un représentant du village, se sacrifie pour montrer que vraiment, cette décision de faire la paix, elle était sérieuse et tout. Et le sceller, enfin, dans le sang, par la magie, quoi. Et donc, de fil en aiguille, toi, Erin, hein, donc le personnage de Sylvain, tu as travaillé, enfin, t'as instillé l'idée dans un PNJ, enfin, le père de Félicie, le pourri, pas de nom. Il faut vraiment qu'il ait un nom, parce qu'en plus, c'est vraiment un personnage du scénario. Hein, et j'ai pas eu. Bref, le pauvre, il n'a pas de nom. Il en aura un jour. Et grosso modo, le papa de Félicie, bon, c'était quelqu'un qui avait été lui-même violent, hein, qui a participé aux représailles, quoi. Mais toi, tu as sauvé sa fille d'une autre attaque d'animaux, quoi. Et donc, t'as semé un petit peu dans sa tête la graine que ce serait lui qui pourrait se sacrifier. Donc c'est ce qu'il a fait, quoi. Il s'est proposé en sacrifice quand le village a été mis devant le fait accompli. Et en fait, dans le scénario, normalement, c'est pas lui qui se propose en sacrifice. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une action de la part des PJ pour pousser dans un coin, c'est la vétérinaire là du qu'on avait, la personne qui a fait l'autopsie là au début du scénario, Oui, Summer quoi. C'est Summer qui la se propose quoi. D'accord. Mais bon, je voulais en fait bah, quand j'ai vu que tu pensais au père de Félicie, moi j'ai voulu valoriser entre guillemets cette décision quoi. Et donc j'ai mis Summer en retrait et ça a plutôt été le père de Félicie. Je suis assez content de cette décision parce que je pense que forcément ça a été plus impactant pour vous que si ça avait Oui, été c'était tout Summer à avec fait. qui Oui, vous aviez pas encore une beaucoup relationné interaction. quoi. Tout à fait. J'avais même oublié son passage. Tu veux l'appeler comment? Didier? Non pas Didier, mais j'ai un nom qui pourrait peut-être. Bon, j'ai une proposition qui est Bobcat Bombardier. C'est ces deux marques de quad. Excellent. Ah oui, d'accord. Ah ouais, tiens, j'ai Bobcat, Bombardier, voilà. ouais, oui, d'accord, ouais, Voilà. c'est rigolo. Bah ouais, pourquoi pas, parce qu'effectivement, c'était un grand fan de quad. Et donc, il s'est donné ce surnom-là à propos des logos qui Bah débutaient encore oui, y avoir parce sur que les. je connaissais pas Bombardier. Yes, donc voilà pour ce que j'avais à dire, à rajouter sur cette scène-là du Okay. sacrifice. La scène dont je me rappellerai peut-être, parce que c'est révélateur de quelque chose qui n'a rien à voir avec le scénario. Enfin, c'est quand j'ai même pas noté son nom, l'envoyé des scientistes, Docteur Stronghold, Dr. Stronghold, est venu et a fait son speech, etc. Et qui a tenu un discours un peu comme étant la sorcellerie, ça marche pas, les rituels, c'est pourri, et vous êtes tous des arriérés. Et il y a eu une espèce de connivence, de sourire complice entre Néné et Erin. Du genre, toi, on va te faire du mal. Et on a trouvé cette complicité Je sais pas si fugace, c'est hein, bien dans fou le fait peut-être de bolosser, de magic mind bolosser pass. celle qui dit de se taper l'incruste dans le soviet du village. Voilà, j'ai trouvé ça, voilà, de retrouver cette complicité sur le fait de toi, là, toi, on va te tomber dessus à deux. Voilà. Parce que, encore une fois, dans le scénario, on s'est retrouvé un certain nombre de fois séparés ou agir de manière individuelle, même si effectivement on a échangé sur nos intentions et Ça a été sur, concerté, mais sur la concertation. c'est vrai que c'était pas mal séparé. C'est ça. Mais de se retrouver face à un front commun avec une envie commune de la dérouiller, oui, voilà, c'était assez plaisant. Et du coup, on retrouve une complicité qu'on n'a pas eue depuis Oui, c'est vrai. un certain nombre de scénarios. Depuis le démarrage de Normand Ferrand. Ouais. Voilà la scène que je retiendrai. Et d'ailleurs, si les villageois avaient choisi la composition de la scientiste, ça aurait. Mais en fait, concrètement, ça résolvait à court terme, ça résolvait le truc. Parce que du coup, effectivement, les animaux en train de se transformer en humains n'avaient pas d'autre chat à fouetter que de faire la guerre aux humains. Et puis, effectivement, la raison d'être de cette guerre disparaissait. Après, ce qui se passait, c'est que la pelade, tu vois, continuait à s'étendre, et c'était indiqué. Après, j'ai jamais fait jouer parce que personne. Personne ne choisit Bon, c'est la ça. troisième fois que je joue ce scénario-là et sa proposition a toujours été déclinée. Il y a même une fois où Dr. Stronghold a dit, bon, puisque vous voulez pas, je le ferai sans. Sans vous Je ferai demander. quand même, quoi. Et du coup, elle s'est carrément fait buter. Donc ça a jamais, voilà, ça a jamais été sélectionné. Mais si ça devait arriver, en fait, genre, pendant tout le reste de la campagne, il y aurait des traces de la pelade partout où vous alliez, il y avait des animaux qui se transformaient en humains, enfin, c'était vraiment, ça prenait une ampleur, enfin, grosso modo, c'est en mode une solution qui était censée être circonscrite dans une C'est petite ça. zone, allait prendre une C'est ampleur pareil. totalement incontrôlée, quoi. Comme on a dit. Comme on le prévoyait. Et celle de la scientifique. Non, mais. Bah après, on peut aussi le voir comme elle vous a apporté une solution, mais tu sais, j'ai fait le test à cette échelle, mais en fait, c'était le village, c'était le test à cette échelle, quoi, d'une Ouais, certaine c'est ça. façon, quoi. Enfin, Ouais. je veux pas non plus dire qu'il y avait aucune vocation altruiste dans sa proposition, mais Non. C'était aussi l'occasion pour elle de tester sa bombe à la pelade, hein, puisque donc effectivement la scientiste, sa solution c'était de larguer le virus de la pelade chez les animaux pour qu'ils se transforment en humains et donc qu'ils fassent plus la guerre, quoi. Toi, quelle était la scène que tu as préférée? Bah écoute, j'ai bien aimé les scènes avec Krusty. Principalement parce que ça fait partie des scènes qui sont passées très différemment de mes autres tests, quoi. Parce que, en fait, dans les. Bon, Krusty n'a jamais été laissé à son sort, quoi. En mode. Bah écoute, si t'es content de manger des. Grosso modo, Krusty, c'est un goupil que sa maîtresse, Blanchild. Bah, en graisse, et puis mais pour sa fourrure en fait, parce qu'elle va en faire un manteau de fourrure au bout d'un moment, quoi. Et aucune équipe n'a laissé Krusty à ce sort-là, quoi. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que ils disent à Blanchild, c'est pas bien et tout, puis ils repartent avec le goupil, quoi. Ils l'emmènent avec eux dans la forêt, quoi. Enfin, de toute façon, vous allez peut-être le faire quand même. Hein, Ouais, mais je pense. vous êtes, en fait, toi, tu voulais, toi, t'aimes pas les goupils, Erin, et tu voulais rencontrer un goupil parce que maintenant que t'es sorcière, tu dois marabouter des gens régulièrement, sinon tu vas souffrir, quoi. Et donc tu te dis, bah, puisque j'aime pas les goupils, je vais marabouter un goupil, quoi. Systématique. Voilà. Et bah, t'es tombé sur lui et tu l'as marabouté, mais de façon entre guillemets un peu sympa, quoi. Puisque tu lui as coupé l'appétit, quoi. Et donc il va arrêter de manger. Alors il est possible qu'à terme Coûte-la quand même ça la lui vie. coûte préjudice, hein. Oh là là, un goupil qui meurt. Ça rend Erin triste. Mais en fait, l'ironie du truc, c'est que bah, ça va le sauver au moins temporairement, parce que bah, s'il maigrit, il va plus du tout être intéressant Intéressant pour faire d'ailleurs. un manteau de fourrure, puisque voilà, il faut qu'il soit gros pour que sa fourrure soit belle et tout. Donc ça le protège. En tout cas, dans un premier temps, c'était drôle parce que voilà, t'as géré les choses de façon tout à fait différente des scénarios. Enfin, donc c'est toujours intéressant, moi, quand ça se passe différemment, quoi. Comme avec le sacrifice qui n'est pas la même personne et tout. Ça, j'aime bien, quoi. Voilà, et donc habituellement, donc la question suivante, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter lors de la prochaine séance? Et là, je vais un tout petit peu la reformuler, parce qu'en fait, à la fin de ce scénario-là, il y a un choix important de carrière à faire pour vos personnages. Et donc, je ne voulais pas exposer avant, je voulais le faire maintenant. Alors, vous savez, la solution la plus évidente, qui est comme vous y êtes plus ou moins engagé en échange des services qui ont été rendus, de suivre Mercurius dans la forêt profonde où vous allez rencontrer des Korax et on va vous faire progresser dans votre connaissance de la magie noire. Ils veulent vous initier, vous êtes une sorte d'élu, enfin, en tout cas des gens qui les intéressent et ils veulent vous initier, quoi. Mais vous avez d'autres. Alors, je reconnais qu'elles ne sont pas forcément aussi évidentes vu les décisions de jeu qui ont été prises avant, mais bon, vous pouvez quand même les choisir. Vous avez d'autres options. Bon, qui impliquent d'une certaine façon de fausser compagnie à Mercurius, hein, parce que vous êtes engagé Il auprès s'est de engagé. Mercurius. Ouais, et tu t'es engagé, on peut encore splitter. Les autres options sont les suivantes. Bon, il y a bien sûr l'option de rester dans le village, mais ça c'est hors scénario. Si tu restes dans le village, la campagne Oui, c'est la s'arrête, fin. quoi. Mais si tu mets ton personnage à la retraite dans le village, mais c'est possible, hein. Sinon, il y a la possibilité de suivre le docteur Stronghold. Et ça, c'est si on part en fait sur un axe. Donc, en fait, si vous suivez le Mercurius, vous allez partir sur l'axe de la campagne qui est axé sur les Koraxes. Donc ça va beaucoup Koraxer, quoi. Il n'y aura pas que ça, mais il y aura quand même beaucoup de Koraxerie, quoi. Si vous suivez le docteur Stronghold, et d'ailleurs vous pouvez décider de le suivre en mode, bon, je pense, j'ai l'impression que vous l'aimiez pas trop, quoi, mais en mode on t'aime pas trop, et du coup on aimerait bien voir ce que font les scientifiques et voir s'ils mériteraient pas quelques taquets, tu vois. Hein. C'est pas forcément la suivre parce que vous la trouvez sympa, Oui, hein. tout à fait. Ça Hein, peut être c'est par prudence. voilà, tout à fait. Et donc là, on part sur un axe bah, sur les scientistes, quoi. Donc, c'est l'univers du scientiste à foison, quoi. Et Il y a un troisième axe qui est, alors j'ai oublié le foreshadowing, mais grosso modo, la guerre des ours, enfin les ours montent au nord et tout, ils vont atteindre de toute façon inéluctablement le village et ses alentours, tout ça. Et en fait, on part sur comment et donc du coup, l'axe serait de en priorité fuir, essayer de fuir les ours. Et concrètement, en fait, ironiquement, vous partiriez du coup sur l'axe de campagne qui est centré sur la guerre des ours, donc sur le conflit. Donc là, il y aura de l'ours et du goupil à foison, quoi, hein, pour faire simple, quoi. Donc voilà un peu les trois axes de campagne qui sont possibles, sachant qu'on s'engage pour, en théorie, pour cinq scénarios chaque axe. Donc il faut en choisir un. A priori, il y a des petits, il y a encore des, il y a encore un moment ou deux dans l'axe la possibilité de repartir sur un autre axe, mais bon, on commence déjà à aller sur un engagement ferme, quoi. Bon, toi, c'est toi qui Attends, as choisi. je parlerai après toi. Par rapport à ce qu'a dit Mercurius, comment est-ce que tu sens d'aîné et qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais, non, non, ça me paraît plutôt évident. Ça me paraît un peu quand même tracé d'aller du côté enfin, de suivre Mercurius. Et en tant que joueuse, ça me plaît bien d'aller sur le côté sorcellerie. Avec tout l'ambivalence que ça présente, hein, parce que je vous promets pas que vous allez rencontrer que des Korax sympas ou que des sorciers sympas. Enfin, Ouais, tout à fait. je vous promets absolument pas ça. Oui, non. Je l'entendais pas comme ça. Bon. Mais oui, non, non, vu les réactions qu'on a eues là sur le. Enfin, pas les réactions, mais par rapport aux décisions qu'on a prises là sur ce dernier scénario, je vois pas trop comment. C'est la guerre des Enfin, ours, genre, je la dois guerre un des tout petit ours, peu là. préciser sur cet axe, mais grosso modo, c'est un axe Korax sorcellerie. C'est pas forcément que Korax, c'est Korax sorcellerie, quoi. Voilà, je prendrais Korax sorcellerie. Enfin, sorcellerie d'abord, puis Korax. Et puis toi, tu prendrais Korax sorcellerie, mais. Non, sorcellerie Korax, mais je Ouais. prendrai ce qui vient. Avec la guerre des ours, on a un petit peu oublié là, dans le contexte de ce scénario-là aujourd'hui. Et du côté scientiste, non, si c'était pour lui péter les genoux, là, au docteur Strangholl. Mais vraiment envie d'en savoir plus avec Mercurius, vraiment. Mon premier Mercurius. Je pense que je dirais, à mon avis, pour vos deux personnages, si je reste en personnage, la décision me semble assez nette, hein. Mais du coup, il faut aussi que ça vous convienne, que c'est une décision qu'en tant que joueur-joueuse, qui vous convienne aussi, quoi. Moi, s'ils sont en cohérence Ouais. avec le perso, moi, ça me convient. Ouais. Donc, Non, moi, la sorcellerie, ça me va bien. Ok, bah je C'est vrai que pense que c'est. t'as pas été trop axé sorcellerie, enfin, ça fait un moment, mais t'étais peut-être Ouais. Bah, traumatisé un peu. voilà, la dernière fois que j'ai joué, bon, bah, j'ai perdu. Ouais, du coup, moi, ça me donne envie de faire une chose. Je m'engage verbalement, c'est pour me botter le cul. Mais du coup, j'ai mon module sur la sorcellerie. Enfin, j'ai déjà pas mal réfléchi des trucs. Mais j'ai mon module sur la sorcellerie là. Et c'est sûr que si je fais une petite mise au propre là-dessus, d'ici le prochain scénario, ça va forcément nous être utile. Même s'il y a déjà plein de matos dans les scénarios et tout. Mais c'est vrai que. Du coup, on va quand même avoir une grosse interrogation de comment vous progressez dans vos capacités, dans vos pouvoirs et tout. Et donc, les scénarios ont des réponses à apporter, mais à mon avis, si moi j'ai encore un peu plus travaillé la systémique de la sorcellerie, ça pourra que aider, quoi. En plus, j'ai quand même l'impression que vous êtes en demande, enfin, je parle sous votre contrôle, bien sûr. Mais que vous êtes en demande d'infos là-dessus et tout, ne serait-ce que pour vous approprier aussi un peu plus le truc, parce que c'est vrai que la sorcellerie, ça fait partie des trucs où c'est beaucoup en tant que joueur, enfin que tu poses des questions au MJ, puis le MJ te dit quoi faire, quoi penser, donc ça mériterait que vous ayez un peu plus la main sur certaines choses, quoi. Et moi, normalement, au début du module sur la sorcellerie, je voulais écrire une petite liste, genre les directs des sorciers, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être sorcier, qu'est-ce que ça implique et tout. On les a déjà un petit peu dites, mais ça mériterait que je les formule. De toute façon, ça me sera utile pour d'autres choses et tout, pour que vous repreniez un petit peu plus le contrôle là-dessus, quoi. Après, c'est vrai aussi que c'est globalement malheureux. Cette campagne est globalement assez compliquée si on veut gérer des personnages qui sont puissants, tu vois, qui ont des pouvoirs magiques étendus et tout, parce que du coup, ça vous octroie une certaine capacité à péter les murs, à péter le scénario, quoi, en fait, hein, en gros, quoi. Et donc, alors, généralement, du moment qu'on accepte de lancer les dés, moi, ça me dérange pas. Du moment qu'on lance les dés, les possibilités deviennent immenses, quoi. Mais bon, fatalement, si je vous fais progresser là-dedans, ça veut aussi dire que vos capacités, même narratives, sans lancer les dés, elles vont quand même augmenter d'une certaine façon, quoi. Donc c'est à doser. Et puis il y a vraiment tout cet aspect de court terme versus long terme. Pour moi, la sorcellerie, comme je vois, c'est quand même plutôt un truc long terme. Donc, par exemple, ce que vous avez mis en place avec utiliser la sorcellerie pour renforcer le rituel de paix, tout ça, c'est bien parce que c'était vraiment un truc bien long terme, tu vois. C'était intéressant. A priori, on n'ira plus sur des trucs là. Puis ces trucs qui sont plus là pour renforcer vos décisions prises dans le scénario plutôt que de le casser, quoi. Donc, je pense qu'on ira plutôt vers des trucs comme ça. Même si après des trucs court terme, comme le fait de chercher une personne à marabouter, c'est quand même super intéressant. Ouais. Donc Un je vais goupil à quand même le marabouter. favoriser. Prochaine fois, je verrai si je peux te faire rencontrer un goupil, mais vraiment hyper sympa, que vraiment, ça va te faire du mal de marabouter. Je pensais que Krusty, mais non. Ça n'a pas suffi, il n'était pas assez mignon. Ok, est-ce que vous pensez avoir quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai une question, mais Ouais. peut-être de l'ordre du off, en fait, hein, pas là. Enfin, c'est quelque chose dont je demanderais votre avis. Ok, donc on se le redit On hors s'en fout, micro tout de tout à suite. fait. Et de ton côté, Turiane Oui, non, pareil, hein. J'ajouterai Très quelque chose bien. en off. Ok, eh ben je vous remercie beaucoup pour cette nouvelle partie. Merci. Ciao, ciao.